Ruisseau, rivière, fleuve, je côtoie plus de flots qu'un matelot. Un matelot, j'ai juste assez de boules que douille dans le magnum. Ben, ben, I'm sorry, seul moyen que j'ai de galerie. Plus gros arsenal que Wenger, narcotrafic by Colombie. Plus qu'un fait de l'édier, il faut dispiffer les mecs. Sors ton cul de la rue, check le bourgeois, dire sale poudre de nègre. Trop de nervosité, c'est dangereux. Trop sodomisé dans le réel. Pas d'avis conscientisé, je m'en fous donc je fais du brin. Sanguinolente et la fusillade. Pas de surveillance dans le cambriolage. Je vois toutes les couleurs comme bioman. Que des gouttes de sueur, pas de place pour les larmes. C'est dance, à défaut de pas partir, je pars en vrille, La life est une énigme dans le seul lundi. C'est celui du prix, Ben. Fuck le game, le talent suffit pas. Fuck le game, le talent suffit pas. Le game, le talent suivi par il suffit pas, c'est clair. J'ai beau rappeler qui est épuisé, des flots cuisants partout, désir, rien ne changera s'il ne sera pas prêt. J'pourrais rappeler mes copies lentement. J'pourrais faire mieux que le meilleur tout bêtement. Mais sans la promo, j'serais pas premier, j'aurais promis que je serais juste un commis. J'commettrais mon dieu sur bande de sons.